Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue pour ce 14e numéro de Ludologie. On arrive tranquillement mais sérieusement sur la fin de saison. On a encore un ou deux numéros dans nos manches. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve dans des circonstances un petit peu particulières. Comme en début d'année dernière, en tout cas en début de saison, autour du mois d'octobre, on avait enregistré dans le cadre du festival Utopia à Nantes. Aujourd'hui, nous enregistrons dans le cadre du festival Stunfest à Rennes. On reste un petit peu dans l'ouest. Il faut dire que c'est aussi là où on est domicilié. Et puis on profite effectivement de ces festivals qui proposent un certain nombre de conférences pour rencontrer des conférenciers, des gens qui sont nécessairement un peu plus loin de nous habituellement, mais c'est l'occasion de quelques échanges plutôt riches, et en l'occurrence aujourd'hui on a un invité qu'on cherchait à avoir depuis longtemps, il faut bien le dire quand même, parce qu'on a suivi plusieurs de ses interventions sur conférences, parce qu'on a lu ses bouquins, parce qu'on a été voir des expos qu'il avait dirigées, et puis que globalement on sait que c'est quelqu'un qui a des choses plutôt intéressantes à dire sur le jeu. Il s'agit de Mathieu Triclot. Et Adrien, dis-moi, qu'est-ce qu'on va poser comme question à Mathieu Triclot ? Alors, pour cette nouvelle quinzaine, nous allons évoquer l'idée de classification des jeux vidéo. On est habitué à des jeux comme, enfin des classifications comme, voilà, ça c'est un puzzle, ça c'est un jeu d'adresse, etc. Et voilà, justement, peut-être pour entamer le sujet, même si on va creuser, ça y a pas de souci. Que nous disent ces classifications entre guillemets classiques de, par exemple, jeux d'adresse ou jeux de puzzle qu'on connaît bien. C'est une question qui... La question de la classification, elle déborde très très largement le champ des jeux vidéo. Elle porte déjà sur les jeux en général et les jeux traditionnels. Voilà, y a déjà une immense question de comment est-ce qu'on les classe. Et on voit bien, et ça se retrouve dans les jeux vidéo, qu'on a des modes de classement extrêmement hétérogènes. Donc dans les jeux traditionnels, on peut classer les jeux en fonction du mobilier avec lesquels on joue, les jeux de fléchettes, mais le jeu de fléchettes c'est en même temps un jeu d'adresse, donc cette fois-ci c'est la compétence qu'on va mobiliser, etc. Donc on a une multiplicité de critères possibles, et c'est vrai que si à chaque fois on prélève un élément comme ça distinctif à un moment donné dans l'objet, on peut fabriquer des classifications qui se recoupent et qui n'ont pas de consistance scientifique forte. Et donc ça, on peut dire la même chose des jeux vidéo. Quand on regarde historiquement comment les classifications se sont constituées, on voit d'abord que ça varie selon les pays. En France, on a des manières de classer les jeux qui sont parfois pas les mêmes que celles qu'on va trouver chez nos voisins. Donc on voit bien que ça s'est fabriqué un peu au petit bonheur de la chance. Et après, la classification, ça sert de principe d'identification. C'est-à-dire qu'on va dire tel jeu est comme tel autre et appartient à la même catégorie. Donc les classifications, elles se répètent, elles se reprennent et elles s'installent avec tous leurs défauts ou en dépit de tous leurs défauts. Voilà. Mais moi, le truc qui me semble important à dire d'abord, c'est le fait que je crois que c'est une question sans issue, c'est-à-dire que à partir du moment, enfin, il faut dire un, il y a des classifications, donc on en utilise, il y a plein d'usages peut-être de ça, et deux, ces classifications sont toujours défaillantes, et on peut toujours être tenté de se dire je vais trouver la classification ultime ou le mode de classification ultime, mais en tout cas mon credo à moi, du point de vue de la théorie des jeux, c'est que quand on a un domaine d'objets aussi vaste que les jeux vidéo ou que les jeux en général, à ce moment-là, toujours plusieurs classifications sont possibles. Et moi, je suis ni un fétichiste des définitions du jeu vidéo. Au Stunfest, dans les conférences du Stunfest, on se bagarre beaucoup pour savoir ce que c'est qu'un jeu, un jouet, tout ça. Question, non, moi, je pense qu'elles sont impossibles à résoudre. Et c'est la même chose sur les classifications. C'est-à-dire qu'une classification, c'est un outil heuristique, comme une définition. Ça permet de comprendre certains aspects du phénomène du jeu, et selon ce qu'on veut comprendre des jeux, on va adopter des classifications différentes. Et donc la première chose à faire, c'est d'abandonner le mythe. Le mythe de ça y est, moi j'ai la classification ultime et complète qui couvrirait tous les besoins. Voilà. Pourtant, en classification, il y a quand même quelques repères qui font un peu autorité. Alors, je pense à Roger Caillois, hein, c'est toujours un peu la tarte à la crème, on sait bien, mais en l'occurrence, il y a quand même quelques classifications un peu historiques qui ont structuré beaucoup de choses aussi. Oui, absolument. Mais celle de Caillois est énormément reprise. Moi, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et il est aussi extrêmement critiqué sur cette affaire de classification. Donc pour moi, c'est une question d'usage des classifications. Il est évident que la classification de Caillois, elle a des biais et des trous absolument considérables. Je vous donne un exemple d'éléments de l'expérience de jeu qui échappe chez Caillois. Le fait de savoir si on joue en simple joueur ou en multijoueur, par exemple, comme on dirait pour les jeux vidéo, ce qui est un paramètre important, n'apparaît pas. Et pourtant, est-ce que c'est le même jeu? Est-ce que c'est le même mode d'engagement? On a tendance à dire, je pense à raison, que c'est pas le même mode d'engagement. Donc la classification de Caillois, elle a aussi des points aveugles et des trous. Mais moi, je pense que c'est une classification qui est intéressante. En tout cas, je pense qu'une classification intéressante parce qu'elle est productive. C'est-à-dire qu'elle c'est pas simplement qu'elle classe, ce qu'on a à foutre de classer, c'est qu'elle produit de la compréhension de l'intelligibilité sur les jeux. Voilà. Pourquoi elle produit de la compréhension et de l'intelligibilité? Parce qu'elle permet de rapprocher des jeux différents qu'on n'aurait pas rapprochés sinon. C'est ça le grand truc, à mon avis. Et une question qui se pose quand on voit justement les différentes classifications de jeux, que ce soit jeux de rôle, jeux de société ou jeux vidéo, c'est la part d'idéologie que cela entraîne. Par exemple, voilà, on peut voir les jeux de dating japonais comme des jeux de stratégie, par exemple. Ou voilà, quelle est la part justement d'idéologie dans ces classifications? Oui, c'est vrai. Il y a la question de l'idéologie et la question des représentations. C'est-à-dire que souvent, ce à quoi on s'arrête, c'est à la surface. Et donc la surface audiovisuelle du jeu. Et donc à ce que représente le jeu ou le thème du jeu. Ça, c'est une manière de classer. Il y a les jeux de foot. Mais quel rapport est-ce qu'il y a entre un FIFA, entre un jeu de foot avec des cartes à collectionner et un Football Manager, par exemple? Donc manifestement, on va dire, bah, l'un c'est un jeu d'adresse, l'autre un jeu de gestion, et l'autre encore autre chose. Donc je crois que mais cette mixité des catégories et des thèmes, elle est toujours présente. Voilà. Mais là, pour le coup, on touche à des questions de philosophie, hein. C'est-à-dire comment est-ce qu'on décrit quelque chose? Comment est-ce qu'on décrit quelque chose? Et une des manières de comment est-ce qu'on construit une définition? Mais très souvent, on prélève des traits saillants qui vont permettre la reconnaissance. C'est-à-dire que la définition, c'est aussi, ça a une fonction pragmatique et pas simplement théorique. Pragmatique, ça veut dire que ça va permettre de reconnaître. Définissez tigre. Hein. Là, tout de suite, maintenant, comme oui, ça. Bah, vous savez, le tigre, c'est une espèce de gros chat rayé. Voilà. Et bon, bah, avec ça, on se débrouille pour connaître une bonne partie des tigres. Est-ce que cette définition est satisfaisante sur le plan biologique, organologique? Certainement pas. Mais alors, ça pose aussi des questions. Enfin, nous, nécessairement, ça nous pose des questions parce que, par exemple, dans l'udologie, on a l'ambition de traiter du jeu de façon transversale, de parler de jeux de rôle, jeux de société, jeux vidéo. Et déjà, on commence une classification en parlant de ces trois éléments parce que je ne sais pas si le baby-foot s'inscrit bien là-dedans, par exemple, pour rester dans la thématique du football, hein, tant qu'à y aller. En tout cas... je ne sais pas si... Alors, il est évident que le médium ne suffit pas, mais en même temps, c'est déjà un début de choses qu'on repère et qui provoquent nécessairement des gameplays qui ne pourront pas du tout être les mêmes. Oui, il y a sans doute l'effet de médium. Après, moi, je suis... Enfin, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est est-ce qu'on doit se limiter? Et sur le jeu, on l'a tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a, du côté des écoles du jeu, vraiment, disons, deux écoles de définition, l'une qui recherche une définition stricte et qui va donc exclure un certain nombre de phénomènes qu'on pourrait pourtant considérer comme des phénomènes ludiques, et une autre école à laquelle j'appartiens qui adopte et qui vit avec une définition du jeu extrêmement large et qui rencontre en permanence des gens qui lui disent « Ah non, mais là, c'est trop large, votre définition du jeu, à ce compte-là, on englobe tout ». Je vous donne un exemple de ces divergences. Par exemple, on peut penser à la relecture qu'a donnée Colas Duflot, le philosophe Colas Duflot, qui a travaillé sur les jeux traditionnels, qui est un peu connu des joueurs de jeux vidéo pour l'expérience malheureuse qu'il a eue d'une émission de télévision où il avait qualifié les joueurs d'e-sport de crétins, je crois. Bon, c'était quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Et ce Duflot, qui a par ailleurs écrit des choses très très intéressantes sur les jeux, lui est tenant d'une définition du jeu par les règles, ce qui est très classique, comme l'égale liberté, dit-on, liberté par les règles ou à travers les systèmes de règles, donc la contrainte et l'élément d'exercice d'une liberté. Bon, c'est une idée qui est assez belle. Mais du coup, quand on le lit, un certain nombre de choses qu'on appellerait des jeux, et à mon avis on aurait raison de les appeler jeux, sortent de l'analyse. Par exemple, la balançoire, elle nous explique que ce n'est pas un jeu, parce que la légale liberté, on n'est pas dans le régime d'exercice de la légale liberté. Bon, moi j'ai tendance à penser qu'on a intérêt à avoir une définition la plus large possible du jeu, en particulier parce que quand on a cette définition large, on peut réfléchir aux limites des jeux réglés. c'est-à-dire considérer que les jeux à règles ou la règle est dominante dans l'expérience de jeu, ce n'est qu'une partie possible du potentiel ludique. Et sur le jeu de rôle, on le voit bien d'ailleurs. Le jeu de rôle est un papier, un très très bel objet pour ça, parce qu'il y a des manières de jouer qui sont très très différentes et des manières ultra réglées qui peuvent être privilégiées par certains jeux de rôle, et puis d'autres manières de jouer qui vont du côté de l'improvisation, du théâtre et de, voilà, d'un moment d'émergence comme ça, de récit collectif tous ensemble, hein. Une autre manière de classifier les jeux en dehors de l'analyse du système de règles, c'est tout simplement l'analyse des actions que peut faire le joueur, éviter la balle, etc. Et on se rend compte que des fois un jeu de shoot comme Hotline Miami revient à une sorte de balle au prisonnier. Justement, ça permet d'analyser les règles et au fond cette question qu'on se pose depuis souvent et qu'on a failli vous poser comme thème central, c'est quoi le gameplay? Alors, non, je sais pas si voilà, on vous avez une heure. Ouais, c'est ça. Si on réembraye, sur gameplay comme ça. Sur gameplay lui-même, j'avais fait des recherches sur l'émergence du terme. Et ce que vous dites est tout à fait caractéristique. C'est-à-dire qu'une des significations de gameplay, peut-être la seule vaguement déterminée, si on regarde quand le terme est apparu, comment il est utilisé, c'est le répertoire d'action. C'est-à-dire, on va dire, Street Fighter, il a tel gameplay parce qu'on peut faire un Hadoken et puis on peut faire ou telle action différente. Ouais, voilà. Donc ça, gameplay, ça va décrire le répertoire des actions disponibles pour le joueur. Mais la plupart du... On voit bien que ça ne suffit pas, parce qu'on entend plus de choses que ça par gameplay. Ce qui m'avait frappé en regardant la presse, hein, c'est un travail sur la presse, donc je prends la presse francophone, je regarde quand est-ce que le terme gameplay arrive. Il arrive assez tard, et je regarde la presse anglophone aussi, par où est-ce que c'est arrivé, etc. Voilà, ce genre de choses. Et l'élément le plus frappant, c'était le fait que gameplay est souvent un terme négatif. Et d'ailleurs, vous, la première usage que vous en avez fait est sur ce mode négatif. C'est-à-dire qu'on dit, ah oui, on parle du jeu sur son thème audiovisuel, mais en fait, on oublie le gameplay. Ou bien, on a des articles qui nous disent « Ah, ce jeu est très beau, c'est superbe, effectivement, la DA, comme on dirait aujourd'hui, mais on ne parlait pas comme ça à l'époque, la direction artistique est extraordinaire, mais le gameplay est pourri. » Voilà. Donc, on a cette espèce de propriété mystérieuse derrière qui reste à l'arrière-plan, qui nous dit « Le jeu, en fait, c'est ce que c'est vraiment, hein, dans son essence, c'est du gameplay. » Alors, qu'est-ce que c'est que le gameplay? Personne n'en a de définition. Et il y a un game designer qui dit ça très, très franchement, qui s'appelle Greg Costikian, hein, qui est très, très connu, et qui explique l'apparition, lui, qu'il a vécu du terme gameplay au tournant des années 80 chez Atari. Et gameplay, ça vient comme une revendication d'identité professionnelle. Vous avez des gens dans les boîtes qui se mettent à dire « Je ne suis pas programmeur, moi. Je suis plus que ça. Je ne suis pas graphiste, moi. Je suis plus que ça. Je ne suis pas musicien, seulement. Je suis plus que ça. Moi, ma spécialité, c'est ce mystérieux gameplay que personne ne définit. Sinon, pour dire, ce n'est pas simplement le programme. Ce n'est pas simplement les éléments audiovisuels. » Voilà, ça, c'est très, très, très, très amusant de voir ça chez Costikian. Et on trouve ça... voilà, c'est un élément du vocabulaire théorique des game... Enfin, si on fait la généalogie du terme, c'est un élément du vocabulaire théorique des game designers. À un moment où il se crée une identité professionnelle, il se crée une sorte d'objet de compétence réservée qui devient ce gameplay. On trouve ça chez Crawford dans The Art of Computer Game Design. Quand il revendique l'idée que le game design soit un art, eh bien, il a quelques occurrences faibles, encore à ce moment-là, et faiblement théorisées de mémoire de gameplay. Il part d'un bon gameplay, par exemple. Et on n'a pas des choses un peu similaires du côté du jeu de société, puisque pour le coup, le travail analogique permet d'avoir commencé beaucoup, beaucoup plus tôt toute la démarche de création de jeu. Et puis pour le coup, effectivement, alors on les appelle de façon francisée les créateurs de jeux, hein, les créateurs, je pense à des gens comme Antoine Boza ou autres, qui font dans les jeux le travail exclusif de définir, si c'est une définition qui peut valoir ce qu'elle vaut pour le gameplay, mais en tout cas la façon dont on va interagir avec le plateau, les pions, les dés et compagnie, sans pour autant définir quels seront les dessins, quelle est l'histoire qui va être derrière, mais vraiment quels vont être les ressorts d'interaction entre le jeu, les joueurs et les joueurs entre eux. Ouais, alors je suis mal armé pour répondre sur les jeux de société, les jeux de plateau, qui est un domaine que je connais pas bien. Il me semble que voilà, gameplay, ça va désigner ce domaine de compétences des game designers. Donc on va retrouver en fait des pratiques professionnelles qui sont des pratiques d'équilibrage par exemple, qui sont des pratiques qui sont liées au level design. Qu'est-ce que c'est qu'un bon level design, un mauvais, dans lequel on coince? Par exemple chez Crawford, lorsqu'il dit bon gameplay, il définit pas gameplay mais il définit bon gameplay. Et un bon gameplay, c'est une manière de jouer dans laquelle la progression, comment dire, c'est un ajustement entre la difficulté de la séquence et son rythme. C'est-à-dire qu'une séquence qui demande beaucoup de décisions va pouvoir se faire à un rythme plus lent qu'une séquence qui demande peu de décisions mais un rythme adapté. Donc il y a cette idée d'ajustement, alors qui rappelle ce qu'on a appelé plus tard le flow, enfin ce qui a été récupéré de la théorie psychologique du jeu en termes de flow. Donc mon idée n'est pas de dire qu'il n'y a rien derrière le terme, mais il y a un ensemble de pratiques professionnelles qui sont celles des game designers. De là à dire que ça fait une définition particulièrement serrée, ça je crois pas qu'on l'a, enfin j'ai peur qu'on ne la trouve pas. Et ce qui est dingue, c'est que du coup on a une nouvelle classification qui est en train de se définir, c'est les bons et les mauvais gameplay. Et alors du coup, qu'est-ce que... Ah oui, mais alors là, la subjectivité totale, parce que dans le cas de... C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Exactement. Dans le cas de Crawford, bon, il a un critère comme ça, qui est presque un critère mécanique d'application, on va dire, les mauvais gameplay, c'est ceux qui ne respectent pas cette espèce de règle fondamentale de design, donc qui vont mettre le joueur en échec, ou qui vont être trop faciles, c'est toujours la même chose, hein, c'est le dosage trop facile, trop... Voilà. Moi, je fais partie d'une école d'analyse des jeux et des jeux vidéo qui s'intéresse, enfin, qui croit que toutes les propriétés de l'expérience ne découlent pas de l'objet, et ni de son design. C'est-à-dire qu'il y a énormément de détournements qui se font par l'usage, énormément de choses qui n'étaient pas simplement prévues par les concepteurs, et aussi qu'une bonne partie des propriétés qui marchent dans un jeu dépendent pas simplement du jeu lui-même, mais de la situation et de sa bonne insertion dans une situation. Ça, c'est la grande démonstration de philosophie des jeux vidéo. Vous prenez un certain type de jeu, les jeux académiques, universitaires, vous les transplantez dans un autre milieu avec d'autres modes d'exploitation, avec d'autres joueurs, et le jeu devient quasiment injouable. Le gameplay n'a pas changé. En fait, si je reprends un peu les bases théoriques, vous revenez à la formation du fameux cercle magique de Huizinga, qui sont tout simplement un jeu est un jeu quand on sait que c'est un jeu. Phrase très compliquée à comprendre, mais... Non, ça serait une forme de définition radicalement subjectiviste du jeu qui correspond à peu près à la position, je ne sais pas si c'est celle de Huizinga, mais en tout cas qui correspond à la position de Henriot. Henriot a des formules du genre ce sont les joueurs qui font les jeux, avec cette idée que c'est l'attitude ludique, on dirait, qui est constituante de la situation de jeu. Son exemple favori, que j'aime beaucoup, qui est l'exemple des cailloux. Des enfants jouent sur un bord de trottoir avec des cailloux, un passant arrive, attention monsieur, vous marchez dans notre jeu. Et puis une fois que les enfants ont arrêté de jouer, eh bien les cailloux qui étaient le notre jeu, redeviennent des cailloux. Alors ça, c'est une forme de primat, moi j'appelle ça un primat radical du play, de l'attitude ludique sur le game. C'est-à-dire l'idée de n'importe quoi peut devenir jeu à partir du moment où il est pris dans l'attitude ludique ou dans la synthèse ludique. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est bien gentil, mais dans la plupart des cas, la plupart du temps, nous jouons à des jeux. Nous jouons avec des objets jeux constitués. C'est-à-dire nous avons du play avec des games. Et on peut dire qu'à ce moment-là, que ces games suscitent l'attitude ludique. Ce sont des objets qui permettent de rentrer dans cette forme d'attitude particulière qu'on appellerait le jeu. Ça serait ça, la théorie d'Henriot. Et alors, pour reprendre les choses un peu à l'envers, du coup, puisqu'on a effectivement des exemples, comme vous le disiez, d'objets quelque part neutres, où le play vient importer du jeu dedans, est-ce qu'on a des jeux qui sont conçus comme des jeux, mais qui cessent, qui perdent cette dimension de play? Alors, je pense, dans un cadre très particulier, très, très spécifique par exemple à l'e-sport, où on rentre dans effectivement une pratique professionnelle, à savoir si c'est encore du play ou pas, mais en tout cas à base de jeux qui ont été conçus pour être joués de façon pas professionnelle, en tout cas comme une pratique amateur, quoi. Ouais, absolument, c'est la situation inverse, on pourrait dire, de l'exemple des cailloux. C'est-à-dire que si on dit l'attitude ludique suffit à constituer le jeu, à l'inverse on peut dire qu'un même jeu, un même game peut être ou ne plus être jeu en fonction des, disons, de l'attitude ou du mode d'engagement avec lequel on le pratique. Et ça, c'est une problématique qui touche très directement à la question du sport, de la professionnalisation du jeu, et donc à cette forme de professionnalisation ou d'institutionnalisation du jeu que nous appelons sport. Et encore une autre question, tiens, définissez sport. Enfin, c'est à peu près aussi difficile que de définir jeu. Mais la prochaine fois, on invite Alain Rey, je pense qu'on gagnera du temps. Ah ben, s'il a des définitions, oui, qu'est-ce qu'on aura gagné en compréhension? Ça, c'est un autre problème. Sport, par exemple, au 19e, on compte l'opéra comme sport. Et la pêche à la ligne aussi, donc ça, c'est une sorte de divertissement en un sens très très large. Bon voilà, ça évolue, toutes ces définitions de ces affaires-là. Mais la question, pour revenir au cœur de cette affaire, le footballeur professionnel, est-ce qu'il joue? Est-ce que c'est un joueur? Moi j'avais cette thèse un peu provocante, mais à laquelle je crois vraiment, pour en côtoyer certains, que le seul moment où il joue, c'est pas peut-être un peu à l'entraînement, quand c'est pour du beurre, certainement pas en match. J'allais dire le vendredi soir, parce que j'ai un club de Ligue 2, moi, que je supporte, mais... certainement pas, donc, peut-être à l'entraînement, certainement pas en match, mais quand ils jouent à la PlayStation. Et c'est là que le foot redevient pour eux une activité véritablement ludique. Alors justement, si la limite, justement, même entre jeu et sport est poreuse, puisque voilà, quand est-ce que le sport est un jeu et quand est-ce que le jeu est sport, si ça c'est poreux, en fait, là, est-ce que tout simplement l'élément constitutif du jeu, ce n'est pas tout simplement le fun, c'est-à-dire le plaisir qui est pris, et du coup... Qu'est-ce que c'est que le fun? Et là, bon courage encore. Oui, qu'est-ce que c'est que le fun? D'abord, il faudrait demander deux choses. Le fun, c'est peut-être un terme trop restrictif, parce qu'il décrit, on pourrait dire, une certaine classe de plaisir, qui est un plaisir de l'ordre du plaisir immédiat ou de la gratification. Bon, il faut que ce soit fun. Peut-être qu'on peut avoir du jeu sans fun, et qu'on peut avoir des jeux plaisants, sans qu'on soit dans le registre du fun. Tout à fait, d'ailleurs, je me permets d'ajouter que pour nos auditeurs qui découvriraient le podcast maintenant, n'hésitez pas à vous référer à un numéro précédent. On a parlé des jeux qui rendent tristes avec Jérôme Larré, et effectivement, tout à fait sur ces questions-là. On peut avoir le jeu qui rend triste, on peut avoir des jeux qui ne sont pas fun du tout. J'ai pas l'impression que ma pratique des échecs soit très fun, ou d'un problème d'échec encore plus, si on pense à la transformation en jeu solo des échecs. Bon, est-ce que vraiment où est la gratification immédiate en termes de fun? Ça n'y est pas forcément. Et puis ça nous laisse autre chose, hein. Du coup, une fois qu'on a écarté fun, il faut se poser la question des plaisirs ludiques en général. Et alors, on va dire la tristesse, est-ce que ça peut être un plaisir? Bien sûr que cette forme de tristesse au second degré qu'on éprouve quand on joue, quand on regarde une œuvre de fiction, enfin quand on se confronte à une œuvre de fiction, ça relève d'un plaisir mêlé. Et on est extrêmement content de pleurer. Et bon, ça c'est les paradoxes du spectateur qui sont bien connus en esthétique. Je vais revenir je vais resserrer un tout petit peu sur notre sujet originel, à savoir le classement des jeux. On a parlé tout à l'heure des créateurs de jeux, des game designers, donc qui eux posaient le gameplay aussi comme une façon de se définir professionnellement. Et est-ce que les classifications de jeux, c'est pas aussi un outil pour les créateurs de jeux quelque part, pour savoir où est-ce qu'on se situe dans ce qu'on crée, peut-être où est-ce qu'il y a encore des choses à explorer qui n'ont peut-être pas encore été faites? Ça peut peut-être aussi se trouver là dès la conception du jeu qu'on commence à le classer finalement. J'ai l'impression que la production des classifications, en tout cas celle dont on dispose pour les jeux vidéo, elle vient moins des créateurs que du côté du public, de la réception et de la presse en particulier. C'est là qu'on voit se former et se formuler des genres auxquels tout le monde se réfère. Et après, ça a un impact en retour sur les créateurs, parce que cette réception, elle définit des marchés. Et elle définit des choses plus ou moins risquées à faire sur le marché. C'est-à-dire que quand on classe un jeu dans un genre qui marche bien, eh bien on est d'emblée plutôt bien positionné a priori. Voilà. Après, on pourrait rêver. Certains secteurs d'une théorie du jeu, alors je dis rêver, c'est presque une critique, mais certains secteurs de la théorie du jeu rêvent d'une classification qui serait constructive. Et c'est ce que j'entends dans votre question. C'est-à-dire l'idée que... on pourrait faire varier les paramètres. Si on avait tous les paramètres, eh ben on pourrait trouver mécaniquement, en quelque sorte, de nouveaux gameplays. On pourrait imaginer une machine à créer des jeux si on lui donnait la bonne axiomatique, en quelque sorte. Et ce projet-là, ça me rappelle des choses en philosophie. Ça me rappelle l'idée comme ça constructive du savoir qu'on peut trouver chez Leibniz, ou le projet d'une encyclopédie. Alors, on pourrait imaginer une encyclopédie des jeux, mais l'encyclopédie, ce n'est pas un classement chez Leibniz. Simplement alphabétique des connaissances, comme avec des grosses notices comme on le connaît aujourd'hui, mais c'est véritablement une axiomatique, c'est-à-dire qu'on donne des principes premiers et l'ensemble du savoir universel on l'engendrerait de manière automatique à partir de ces principes premiers. Donc c'est une certaine idée du savoir total. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose pour les jeux qui serait les axiomes essentiels du système de jeu? C'est la direction dans laquelle vous me poussez, c'est-à-dire les éléments d'action de base, comment est-ce qu'on pourrait les combiner, etc. Dans la théorie des jeux et dans la ludologie universitaire, celui qui a été le tenant d'un programme de ce type, il me semble, c'est Jesper Juhl. Et dans Half-Real en particulier, on a cette idée que les jeux sont des systèmes formels. Tiens, on revient à ce vocabulaire-là, oui. Du système formel, de l'axiomatique en mathématiques, enfin dans une analogie avec les mathématiques. Et donc derrière, la promesse, c'est si je trouve les constituants du système formel, effectivement, je peux avoir cette démarche et analytique et constructive. Et j'en ai beaucoup discuté avec mes étudiants qui sont des élèves ingénieurs et qui sont attirés tout à fait logiquement par cette démarche. Mais en même temps, si on regarde ce que réalise Juhl, il est très très loin de la promesse initiale, c'est-à-dire qu'on reste dans un style d'analyse littéraire. Il a beau nous dire les jeux sont des systèmes formels basés sur des règles. Donc la question qu'on doit se poser, c'est, en admettant que cette voie d'approche soit soit, comment dire, légitime et intéressante. Est-ce qu'elle est même possible? Est-ce qu'on peut construire cette axiomatique des jeux? Et comme tout le monde le désire, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été construite à ce jour? À défaut d'une axiomatique globale, j'imagine que les classifications telles qu'on les connaît servent par exemple à des indépendants disant moi mon jeu, je vais créer un jeu où ça va être à la fois un jeu de puzzle et un shooter. Et justement en cherchant une nouvelle typologie, une nouvelle expérience, en allant chercher deux expériences distinctes et en les croisant et en essayant de proposer quelque chose de nouveau, justement en se basant sur des éléments de typologie déjà créés. Je pense que c'est comme ça que de fait que les jeux sont créés. C'est-à-dire que depuis le début, depuis le tout début des jeux vidéo en tout cas, on fonctionne par incrémentation, alors soit de spécification sur un gameplay, mais ça tient presque à la nature informatique du médium. Le principe d'un jeu, c'est que vous avez des paramètres, et donc si vous faites vous modifiez les paramètres, par exemple de gravité, vous avez un mode, mais sur un mode, vous pouvez aussi modifier d'autres choses, et donc faire apparaître de nouveaux potentiels d'action pour le joueur. Donc cette démarche constructive, il faudrait dire effectivement qu'elle est aussi, elle me paraît très très liée à la facilitée par le médium jeu vidéo et par les programmes que l'on emploie pour créer les jeux. Elle est presque inscrite dans la logique de création. Ça ne veut pas dire qu'on a une théorie globale. Et ça ne veut pas dire qu'on bricole pas et qu'on bidouille pas, en fait. Mon sentiment est plutôt qu'on bricole et qu'on bidouille avec une logique émergente. C'est-à-dire, il y a aussi de l'émergence dans ces systèmes, parce que les jeux, c'est des systèmes complexes. Et donc, si je modifie tel paramètre, je peux tomber sur telle propriété intéressante que je vais pouvoir exploiter de manière ludique. Voilà. Après, Brice Roy nous disait ça hier en conférence sur les jeux expérimentaux, et je trouvais ça très juste. Cette idée d'une maîtrise totale descendante des systèmes de jeu, où on maîtrise tout, peut-être ça correspond à certains jeux de type AAA, très réglés, où là, effectivement, dans la conception, on met des briques de gameplay prédéfinies, comme on mettrait des briques logicielles à tel ou tel endroit. Mais d'un autre côté, il y a une approche par le bas, qui est une approche où on laisse advenir des choses de l'ordre de l'émergence, de la surprise, à partir des composants élémentaires du système. Et pour ça, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance préalable totale et logique. Mais justement, si cette émergence de fun, parce qu'il y a aussi, de ça quand même, de par du coup, ouais, le joueur, est-ce que ça ne vient pas du coup du méta-jeu ou un autre jeu ? Il y a aussi cette problématique-là de, par exemple, quand je modifie les règles du jeu de rôle de, je sais pas, Breaking the Ice ou n'importe quoi, est-ce que c'est encore Breaking the Ice ? Il y a deux manières de penser l'émergence. Souvent, en jeu vidéo, quand on parle de jeu à émergence, on pense effectivement à des jeux qui vont favoriser des comportements non prévus par les joueurs. Typiquement, je sais pas, EVE Online. Ah, les joueurs font des choses qui n'étaient pas prévues par les créateurs, par exemple, faire des guerres interstellaires entre méga-corporations. Personne n'aurait pensé qu'on allait faire ça, ou des choses beaucoup plus petites, voilà, de l'ordre, comme on parlait hier, des pratiques d'exploration dans WoW, des guildes dans World of Warcraft, des guildes qui s'organisent pour aller aux confins de l'univers, en dehors de toute fonctionnalité ludique. Bon, voilà, là, on peut dire que ce sont des pratiques émergentes. Mais je pense qu'il y a une émergence aussi au niveau du système, la technique et du système de jeu lui-même. C'est-à-dire qu'on a fait bouger, volontairement ou pas volontairement, on a ces réglettes là, de paramètres, et on voit apparaître des possibilités nouvelles de jeu. Voilà. Cette idée aussi de construire, il y a quelque chose d'important, enfin, c'est aussi des paramètres techniques et physiques du jeu, je veux dire les manettes, les périphériques sur lesquels, qui peuvent être aussi une base constructive. Il me semble qu'il y a une société qui incarne cette construction du jeu, non pas à partir de règles préalables, non pas à partir de briques de gameplay, mais à partir du nombre de boutons sur les contrôleurs et de leurs propriétés physiques, c'est une boîte comme Nintendo. Le Super Mario d'origine, c'est, nous on appelle ça un jeu de plateforme, eux appellent ça un adventure game ou un jumping game, parce que ce qui compte, c'est qu'on a un bouton analogique et donc on peut contrôler la durée du saut. Donc on va construire un jeu à partir de quoi ? Pas à partir d'une brique de gameplay, à partir d'une propriété physique du bouton. Autre émergence et autre ouverture d'un genre qui est devenu après totalement canonique et qu'on ne sait pas appréhender à l'époque. Ça, c'est aussi amusant parce que personne ne sait où le classer, ce truc. Du coup, effectivement, on est encore dans une autre forme de classification qui est un éditeur qui va choisir un angle, un axe, et finalement, sur une typologie assez vaste, on peut définir un jeu Nintendo par le fait qu'effectivement, il travaille plutôt sur le support physique, presque plus que sur les capacités graphiques de l'écran ou ce genre de choses. Je pense qu'ils sont très très attentifs aux qualités graphiques, toujours, tout le oui, temps. Bien sûr. Simplement pas dans le sens d'une surenchère de polygones, qu'ils ont depuis le début toujours eu des gens qui venaient de l'univers de l'animation et des séries animées, et donc ils ont toujours su exploiter ces compétences-là. Et bon, ça me semble dans l'ADN de Nintendo, oui, on pourrait dire qu'il y a ça, c'est-à-dire l'importance accordée à la qualité des contrôles, qui est extraordinaire, qui est leur touche. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on reconnaît tout de suite quand on prend en main un jeu de chez eux. Et puis, je crois qu'il y a une très grande attention c'est une boîte de jouets à l'origine, et donc aux conditions du jeu, à l'écosystème du jeu, à la place du téléviseur dans le salon, etc. Voilà. Quand j'analysais l'apparition de Nintendo comme acteur majeur des consoles, qui me semble un épisode historiquement extrêmement riche et intéressant, on voit qu'ils mettent ensemble plusieurs choses. C'est-à-dire que ce qu'on a, c'est des fabricants de jouets qui fournissent des figurines actionnables. On a de l'autre côté des gens qui font des séries animées qui réemploient les mêmes figurines. Et ça, c'est des pratiques de jeu enfantines. Et que fait Nintendo ? Ben, il mélange la figurine actionnable et l'image animée. C'est-à-dire que la figurine actionnable, désormais, elle est projetée à l'écran. C'est celle du petit bonhomme de Mario et les autres. Et je peux l'actionner dans des aventures, des univers qui ont une certaine cohérence narrative. Donc là, ils ont fabriqué quelque chose. Voilà, si on veut saisir ce qu'ils ont fabriqué, c'est complexe. Il y a cette attention au contrôleur, il y a cette attention, je crois, aux situations de jeu, aux manières de jouer. Et c'est les premiers à réussir à transplanter les expériences de jeu des arcades vers le salon en fabriquant quelque chose qui est propre au salon, qui n'est plus simplement un jeu d'arcade transposé dans le salon, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors je vais faire un petit saut logique, pas très très long, vous allez voir, mais quand on parle de classification, il m'apparaît qu'on n'est jamais très très loin de parler de notation. Et que quelque part, classer des jeux, c'est aussi une façon de se faciliter la tâche pour les noter. Alors j'imagine bien que là-dedans, il y a la volonté de rendre des choses plus lisibles pour le public, évidemment. Mais est-ce qu'il y a vraiment que ça ? Ben, c'est vrai que la classification, ça sert d'élément de reconnaissance et de paradigme. Donc on peut dire, tiens, ce jeu, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Et à ce moment-là, on a des éléments de comparaison. Parce que est-ce qu'on va comparer un jeu de stratégie en temps réel à un shoot'em up ? Enfin, tout d'un coup, on est très, très démunis pour dire. Voilà. Et ça nous renvoie aux stratégies de notation et à la question de l'évaluation des jeux, enfin, qui est une question très problématique, très débattue dans la presse. On a varié dans les normes, etc. Voilà. Il y aurait plusieurs manières d'évaluer les jeux. Voilà. Une manière, c'est de dire voilà quelque chose de nouveau dans un genre, voilà quelque chose qui va vous intéresser si vous aimez le genre. Ça, c'est des choses qu'on trouve au début de la presse vidéoludique. On ne donne pas une note absolue au jeu, on dit si vous aimez tel genre, alors cet objet-là vaut le coup pour vous. Voilà. Ça, c'est une possibilité. On a aussi la possibilité de créer une sorte de notation rigoureuse. À partir des classifications, par exemple. Là, ça va être le modèle du test. Donc, le test de la qualine, toutes les qualités des jeux. On va pouvoir tester au même niveau, avec la même échelle, en quelque sorte, un jeu de rôle et un jeu de stratégie en temps réel. Donc, on va avoir un modèle, un peu comme on a pour le test, le guide des vins ou le guide des bagnoles, où on va regarder la puissance du moteur, la qualité du cuir dans l'habitacle, la lisibilité de je ne sais pas quoi, etc. Donc là, c'est nos fameux critères auxquels on est habitué dans la presse, graphisme, son, jouabilité, durabilité, enfin le genre de truc, durabilité, ça va pour une machine à laver, quoi. Pour un jeu vidéo, on peut se demander si c'est un bon critère. Moi, pour un jeu, c'est un critère que j'ai vu à plusieurs reprises pour alors plus du coup dans le cadre du jeu de rôle, hein, mais la question de la rejouabilité ou de la durée, ce qu'on appelle de la durée de vie, hein, la durée de jeu reste un critère parce que effectivement, dans la mesure où on achète un jeu, effectivement, payer 60€ à un jeu où on va jouer une heure n'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Alors qu'on peut facilement passer le même temps sur un repas et le même prix sur un repas, mais il y a effectivement là-dedans la durabilité reste aussi une question, je crois. Oui, c'est un critère qui est parfaitement adapté dans une démarche cette fois-ci qui est de qualité-prix. Puisque c'est comme ça, est-ce que l'aspirateur c'est un bon rapport qualité-prix ? Est-ce que ce jeu-là c'est un bon rapport qualité-prix ? Est-ce que vous en aurez pour votre argent ? Moi, c'est une logique de test qui est parfaitement de test consommateur qui est parfaitement valide. Après, le critère me semble un peu problématique du point de vue des usages, celui de la durée de vie, parce que comme on le sait tous, la plupart des gens ne finissent jamais les jeux, donc il y a une vraie question, enfin 20% je crois, quelque chose comme ça, ou peut-être encore moins, et encore sur des gros jeux, voilà. Donc ça pose une question. Et mon expérience de joueur me pousserait, alors âgé, peut-être pas, j'aurais pas dit la même chose à 10 ans, où j'en voulais peut-être pour mon argent de poche. Mais aujourd'hui, mon expérience de joueur me pousserait plutôt à dire, mais raccourcissez. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de remplissage, il me semble, dans beaucoup de jeux. Et très souvent, on croit à être arrivé à la fin alors qu'on n'est qu'à la moitié, simplement. Et puis la durée... plus court, plus intelligent, plus intense, moi, je prends. Et puis la durée de vie, c'est aussi fonction du joueur, naturellement. Enfin, par exemple, moi, avec une manette, j'ai 10 pouces. Voilà. Et du coup, les jeux, pour moi, sont beaucoup plus longs que pour beaucoup d'autres joueurs. Oui, bien sûr, ça varie selon le... C'est selon la subjectivité, là, encore. Ouais. L'habileté des uns et des autres. Oui. Autre idée de classement, nous on en discute souvent, parfois devant micro, parfois non, avec Manuel, sur la différence fondamentale entre jeux vidéo, jeux de société ou jeux de rôle. Est-ce que justement on peut pas proposer une classification sur, j'allais dire, pas formelle, plutôt fondamentale. Quelle est la principale source d'interaction ? Et dans le jeu vidéo, ce serait le code, dans le jeu de rôle, ce serait du texte, et dans le jeu de société, ce serait les pions, le plateau ou ce genre de choses. Oh, ça me semble difficile, hein, comme ça. Hein. Moi, je vois des objections tout d'un coup là. Qui arrivent, justement. Dans la tête. Sur ce... dire que la source d'interaction principale serait, ben, d'abord pour le jeu de rôle, le papier. Bon, il me semble que c'est plutôt les autres autour de la table. Ouais, alors, j'ai envie de dire ça. J'aurais tendance à le définir comme un jeu conversationnel. Je dirais aussi que pour l'interaction finalement avec le programme ou avec le code en lui-même, elle est relativement limitée. C'est-à-dire qu'on y accède par la strate audiovisuelle. Et donc l'interaction se fait par là, avec ce qu'il peut y avoir de fossé. Parfois, on se rend compte que l'audiovisuel nous trompe dans ce qu'il représente et qu'on comprend quels sont les éléments actionnables en dessous. Mais il y a toujours cette médiation. Des jeux dans lesquels on jouerait directement avec le code, il me semble que c'est relativement rare. Après, dans certaines pratiques, oui. Quand on fait du speedrun, à un moment donné, on est obligé de savoir comment les éléments fonctionnent, donc comment est-ce qu'ils sont codés derrière, même si on peut en avoir une connaissance qui reste intuitive d'ailleurs du système planqué derrière. Oui, c'est pas évident. Et je pense qu'autant entre le jeu vidéo et jeu de rôle, jeu de société, on peut voir effectivement d'un côté il y a la médiation de l'écran et de l'autre il n'y a pas. Encore que certains jeux de société se sont amusés avec des cassettes vidéo et des CD-ROM. Ouais. Mais entre jeu de société et jeu de rôle, elle est par nature extrêmement tangente. Surtout que il n'est pas rare que ce soit les mêmes créateurs qui bossent sur les deux typologies de jeux. Mais effectivement, le jeu de rôle a quelque chose de profondément conversationnel par sa nature même. Qu'on a peut-être moins dans le jeu de société. On peut facilement faire une partie de Monopoly sans parler du tout avec les autres joueurs. C'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de jouer à Donjons et Dragons. Encore que, hein, qu'est-ce que c'est que le Monopoly si ce n'est un support de conversation et de méta-jeu, comme vous disiez tout à l'heure, qui consiste à se lancer des vannes, à se moquer des autres. Et de fait, il me semble que le jeu est codé pour ça. C'est-à-dire que tu vas tomber sur la propriété de quelqu'un d'autre, qui va s'en réjouir au second degré sur le mode du jeu, parce qu'il va te titiller. Sinon, ça n'a aucun intérêt, à part se s'engueuler sur le mode du plus ou moins vrai, plus ou moins faux. À quoi bon le jeu de société ? C'est marrant parce que le Monopoly, comme les petits chevaux, perdre en tout cas une partie de leur propriété de jeu, de fun, quand on passe un certain âge, quand on est habitué. Et justement, c'est quoi une classification par âge ? Comment ça se définit aussi ? Je ne sais pas s'il y a une classification linéaire. C'est-à-dire dans la sociologie des pratiques de jeu, on voit ce qu'on appelle différentes étapes dans les carrières ludiques et différentes manières de jouer. Et on a des enquêtes absolument extraordinaires sur le jeu de société en famille, dans lesquelles, qui correspondent, je me marre parce que ça correspond à ma pratique d'enfant. C'est-à-dire je crois que j'ai détesté jouer aux jeux de société parce que c'était une sorte d'imposition. C'est allez, on va jouer tous ensemble, là, ça va être un moment où on va être ensemble. Donc c'est une sorte de jeu qui est presque du serious game. C'est-à-dire que derrière il y a l'idée de allez, on va tous jouer ensemble, on va passer un moment ensemble. Donc plutôt que de faire autre chose, plutôt que tu joues à tes jeux vidéo là devant l'écran, on va faire un jeu de société. Ça c'est du vrai jeu où on est ensemble. Et on voit du coup dans les entretiens, hein, des rapports très très différents ces pratiques de jeu, et souvent genrées, c'est-à-dire du côté du jeu féminin et de la mère, on va laisser gagner parce qu'on joue pour être ensemble dans la famille avec les enfants, alors qu'on voit côté masculin, paternel, des gens qui privilégient le fait si on joue vraiment. Voilà. Donc il y aurait plein de paramètres à prendre en compte, quoi. C'est pas une continuité, tout d'un coup un jeu ne devient pas inintéressant parce qu'en quelque sorte on aurait épuisé son potentiel cognitif parce qu'on serait plus intelligent. Non, on y joue avec des optiques et des pratiques différentes, et il faudrait croiser ici, je crois, âge et genre. mais j'imagine que c'est un peu la même chose. Alors moi je suis pas familier des MMORPG, mais j'imagine que le défi technique n'est pas la seule raison, ou la course à la puissance n'est pas nécessairement la seule raison pour laquelle des joueurs jouent, et le contexte social doit continuer à, surtout dans du jeu en guilde, de continuer à avoir une prégnance non négligeable quand même. Le fait de retrouver les autres, moi c'est une pratique que j'ai eue en club de jeu de rôle, mais je crois qu'on peut avoir la même, j'imagine, dans une guilde où effectivement on retrouve les autres un soir spécifique de la semaine, ou comme dans un club sportif de toute manière, à ce niveau là bon, on va un peu enfoncer des portes ouvertes avec les deux épaules, mais effectivement on est dans quelque chose qui fait que le jeu fondamentalement se définit, alors pas systématiquement, mais quand même souvent, d'abord et avant tout, comme un objet de médiation sociale. Je crois que c'est même les pratiques de jeu les plus solo, les plus solitaires, sont des pratiques sociales. C'est-à-dire qu'on a souvent pensé la socialité du jeu en disant c'est quand il y a du multijoueur. Et donc pour les jeux vidéo, beaucoup de chercheurs ont été très soulagés tout d'un coup, en sociologie en particulier, parce qu'ils pouvaient dire regardez, c'est un objet social, ils refont société à l'intérieur du jeu. Mais quand je jouais tout, enfin, quand j'ai jamais joué, moi, c'est pas ma génération, mais quand les gamins ont joué à Pokémon, ils jouaient peut-être tout seuls sur la ou le Game Boy, mais c'était une pratique qui était destinée à être partagée ensuite dans la cour de récréation. Donc même cette forme de jeu social, elle était socialisée. Et après, c'est vrai que sur le MMO, c'est un genre de jeu sur lequel les études ont distingué des profils de joueurs et montré effectivement qu'il y avait des manières très très différentes de s'engager avec le jeu, et donc des choses, des pratiques différentes avec le même objet. Alors, je profite de l'occasion, parce que je sais que vous avez travaillé la question du jeu de l'arcade, vous l'avez étudié, oui. Forcément. Justement, est-ce qu'il y avait aussi ce rapport social dans l'arcade ? J'ai une vague idée de la réponse, puisqu'on a vu King of Kong dans le cadre du Stunfest, mais on ne sait jamais. C'est extrêmement important, il me semble, dans le cadre de la salle d'arcade. Alors malheureusement, pour nous, c'est un phénomène qui est du passé, donc qui est difficile à étudier autrement que par des documents d'époque. Mais les documents d'époque, ils sont souvent marqués au sceau de la peur des salles d'arcade et de l'hystérie autour des salles d'arcade. Mais on avait fait il y a 2-3 ans ici au Stunfest, pour ça que j'y pense, avec Julien Bouvard, des entretiens avec des super players japonais, et c'était absolument passionnant. Et la première chose, on leur disait alors qu'est-ce que vous en pensez d'être ici et tout, et la première réponse c'est bien, mais c'est moins bien, mais c'est moins bien que la salle d'arcade. Parce que d'abord, ce qui nous manque, c'est le bruit des bornes. On joue avec le casque, moi j'aime avoir cette atmosphère surchargée. Et puis ils se mettaient à nous expliquer tout ce qu'avait été la salle d'arcade pour eux. Et d'abord, dans leur parcours, ce qui était passionnant, c'est la dimension de transmission. C'est-à-dire que vous arrivez gamin, il y a le bon joueur de la salle d'arcade, vous vous mettez derrière, vous regardez le gars. Et puis, eux, c'était l'époque pré-internet, par l'effet de génération, donc il y avait des VHS qui circulaient. De tel ou tel joueur qui jouait particulièrement bien à tel autre endroit. Et puis un jour vous prenez le billet de train, vous allez dans la salle d'arcade, le gars est pas là, vous installez à la borne, puis il vient, il vous regarde jouer, il dit ah, t'es pas mal petit là ce que tu fais, et puis vous jouez ensemble. Voilà. C'est une espèce de phénomène de transmission. D'ailleurs je parlais de Pokémon tout à l'heure, ça ressemble au principe des arènes Pokémon qui est une sorte de recodage du principe des salles d'arcade, voilà, avec ce championnat local, et puis je vais dans l'autre salle. Donc c'était un lieu extrêmement important de transmission et d'échange, et là-dessus on voit bien que Internet aussi a changé la donne, parce que la transmission des savoirs du jeu vidéo s'est ouverte. Voilà, c'est les vidéos, les chaînes YouTube, Twitch et compagnie. C'est marrant parce que là effectivement on aborde le cas de la vidéo Twitch, de YouTube, ou même de l'expérience du joueur. Et justement, est-ce que la vraie question, ce ne serait pas comment... Enfin, on pose la question comment classifier les jeux, mais plutôt la vraie question, c'est comment classifier le joueur. Comment classifier le joueur? Oui, ben, je crois... Enfin, parce que c'est son expérience, en fait, qui est centrale. Je pense à ce moment-là que la question de la classification recule. Il y a des classifications de joueurs. Il y a des classifications de joueurs, en particulier vous en trouvez du côté de la psychosociologie, avec à partir de questionnaires de motivation. Vous en trouvez à partir de dans le marketing, où vous avez des profils de joueurs. Donc là, vous avez encore des gens qui classent des joueurs. Mais vous, moi, je suis relativement sceptique vis-à-vis de ces classifications, parce que j'ai toujours l'impression qu'elles manquent des éléments de la pratique. Je vais vous raconter une petite. Il faut regarder ce que c'est que jouer à un jeu vidéo. Revenons sur les jeux de rôle. Un sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Manuel Boutet, fait une très belle analyse de ce qu'il appelle le style dans les jeux vidéo, jouer avec style. Il décrit dans ce papier-là une expérience de jeu. Il joue à un MMORPG, c'est une expérience de farming, donc il va y jouer toute la nuit, il attend qu'un objet drop, et donc il tue un monstre qui rip-up, comme on dirait, à intervalles réguliers. Et plus la nuit passe, plus il s'endort. Donc il est sur son fauteuil, il s'endort, paf, le monstre réapparaît, il le tue. Ah, c'est pas le bon objet, il se rendort, il se réveille parce que le monstre fait un petit bruit quand il réapparaît, il le tue, etc. Vous voyez, cette espèce d'expérience un peu hallucinée là. Qu'est-ce que c'est que cette forme de jeu? Qu'est-ce qui rend possible cette forme de jeu? Et Manuel Boutet a une très belle idée. Il dit, il faut des supports dans l'expérience. Donc le premier support, il est matériel. Il faut un fauteuil suffisamment profond pour pouvoir s'y endormir, mais pas trop parce que sinon on peut pas se réveiller. Donc première chose. Mais c'est aussi autre chose. C'est pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça parce que il veut jouer avec son frère. Et que son frère a pris de l'avance dans le jeu. Et il jouait ensemble avec son frère à ce genre de jeu. Mais maintenant, il est parti. Donc, c'est une manière de maintenir des liens familiaux. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce profil? Vous allez dire, c'est un overachiever parce que il fait du farming toute la nuit. Voilà. On n'a pas saisi toute la granularité de la situation quand on a fait ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser le jouable, ce qui rend un jeu jouable. Et si on veut comprendre ce qui rend un jeu jouable, il faut regarder l'ensemble de ses points d'appui ou de ses supports pour parler comme Manuel dans cette situation. Mais c'est vrai que quand on va dans cette direction-là, disons d'une socio-anthropologie, on va vers une espèce d'analyse infinie. Moi, j'appellerais monadologique, pour reprendre un terme leibnizien, c'est-à-dire que l'ensemble du monde social, finalement, se retrouve dans une expérience de jeu de proche en proche, j'ai envie de dire. Ça fait un sacré morceau. Voilà, Mathieu Tricle nous a perdu, mais c'est en étant très intéressant. On va commencer à se demander très sérieusement quel genre de joueur on est. Pour partir sur des questions qui vous concernent un peu plus personnellement, vous travaillez toujours sur le jeu, j'imagine. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Et qu'est-ce qui fait, par exemple, que, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais que vous avez travaillé spécifiquement sur le jeu vidéo et justement pas spécifiquement, enfin pas plus que ça, sur d'autres modalités? Sur les travaux actuels, moi j'ai continué autour de cette question centrale, celle dont je viens de parler, c'est-à-dire de comprendre l'expérience du joueur, hein, de comprendre ce qui fait qu'une situation est jouable, donc ce que j'appelle le play. Comment est-ce qu'on peut comprendre le play? Pour ça, je teste différentes méthodes d'objectivation, de ce qui se joue dans la situation. Je vais vous donner un exemple d'une des questions qui me taraude, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe en termes d'émotion et d'expérience pour quelqu'un qui joue à Tetris. Et mon sentiment, c'est qu'on est très démuni. On est très démuni parce qu'on peut dire à une grande strat, il y a la compétition, okay, il y a le high score, mais qu'est-ce qui se passe dans une partie que je n'ai pas gagnée? Je n'ai pas cette gratification du high score. Et pourtant, il s'est passé quelque chose pour moi qui pouvait être significatif. Comment je peux décrire cette zone d'expérience-là? Et elle est très difficile à objectiver parce qu'on n'est pas dans le domaine du culturel, du symbolique, de l'identification au personnage, des grands récits, de tout ce qu'on raconte d'habitude quand on veut décoder les expériences de jeu. Je ne m'identifie pas aux briques qui tombent, quoi. Ça ne veut rien dire. Donc, c'est ailleurs. Et par exemple, dans les choses que je fais actuellement, j'enregistre des situations de jeu. J'enregistre les entrées sur les contrôleurs. Et je fais une espèce de rythme-analyse, d'analyse des rythmes, autour de l'idée que ce qui compte beaucoup dans la situation des jeux vidéo et qu'on a du mal à appréhender, c'est les transferts de mouvement. Et donc, il y a différents rythmes, différents styles comme ça de mouvement. Il y a des moments de crescendo, de décrescendo, de pause, qui font comme ça la matière première de l'expérience de jeu. Donc ça, c'est vraiment la suite de ce programme qui consiste à essayer de comprendre. Comme ça, ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'est-ce que ça fait que de jouer. On a aussi un programme de recherche sur la presse, on a aussi un programme de recherche sur l'industrie du jeu. Voilà. Donc, il y a plein d'autres secteurs dans lesquels il y a des choses à faire en jeu vidéo. Effectivement, ça fait le prolongement à votre bouquin, c'était pas la fabrique du jeu vidéo, c'est autre chose, mais c'était la philosophie. Mais il y a aussi, vous avez aussi participé à la fabrique des jeux vidéo qui était donc à l'espace des sciences à Paris. Et c'était en fait votre conclusion, c'était justement sur ce joueur qui est invité à déconnecter, à sortir de sa chaise. Et justement, c'est quoi les caractéristiques peut-être de la situation de jeu pour un joueur moyen, on va dire, même si je crois que le joueur moyen n'existe pas. Oui, le joueur moyen n'existe pas et on en a un portrait du joueur moyen, masculin, plus de 35 ans, etc. Qui ne correspond à rien de... Ouais. Question impossible, justement, parce que... la réponse n'est pas totalement impossible. C'est-à-dire qu'on peut faire une remontée en généralité vers l'attitude ludique à la manière de Henriot, dire le jeu, c'est une certaine attitude dans laquelle on prend au sérieux la situation tout en sachant qu'elle est fausse et on bascule en permanence entre l'engagement maximal dans la situation justement parce qu'on sait qu'elle est fausse. Voilà, c'est l'espèce de le comme-si qui est constituant de l'attitude ludique. Donc on peut dire ça. On peut dire au niveau de généralité maximum, c'est des situations dans lesquelles on est sur ce mode du comme-si engagé avec un objet. Et après... En même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est le détail. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend telle situation particulière, jouable, comment est-ce que ça fonctionne dans cette situation-là, quels rythmes sont mis en jeu dans cette situation-là. Ça nous fait presque une conclusion, mais nous, on a quand même une question de conclusion qui est systématique, mais nécessaire. Parce qu'après tout, parler de jeu, c'est bien beau, mais à un moment, il faut jouer aussi. Et justement, Mathieu Driclot, à quoi est-ce que vous jouez en ce moment ? Parce qu'il y a des gens qui nous ont, fait des confidences à votre propos. On a des sources sur certains jeux. J'ai balancé des trucs. Et on a entendu parler, par exemple, d'un jeu où il s'agirait de gérer des joueurs de football dans un club. Je ne balancerai pas qui, mais je crois qu'il s'agit d'un des organisateurs de ce festival. Et, c'est vrai que j'ai beaucoup joué, fut un temps, à Football Manager. Un jeu qui a changé ma vie, par ailleurs, pour certains aspects. Et maintenant c'est plus le cas. Enfin, une fois que j'ai amené Colomiers en Ligue des Champions, ça a fini par me lasser. Ça m'a pris un certain temps. Les derniers jeux auxquels j'ai joué, ça doit être c'est un truc un peu bizarre. Et je pense que ça vaut le coup de le mentionner, lui, parce que c'est un jeu très très sous-évalué. C'est le Game of Thrones de Cyanide, qui était donc l'une des premières adaptations de la série. Je crois que Cyanide à l'époque avait les droits sur le livre, et pas sur la série télé, mais ils ont quand même trouvé un deal pour en faire une adaptation. Donc c'est un jeu de rôle troisième personne, très très classique dans son fonctionnement, mais qui est, je trouve, très bien écrit. Et c'est un jeu qui est passé totalement sous les radars, dont on a dit qu'il était moche, alors, et dont le système de combat, soi-disant, n'était pas bien. Il n'a aucun défaut majeur. Voilà, donc ça, c'est un des jeux à redécouvrir. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, pour vos réponses, ça nous laisse quand même pas mal de grains à moudre. On va faire une jolie bibliographie pour cet épisode. On vous souhaite une bonne suite de festival. Une bonne quinzaine pour nos auditeurs, bien évidemment. Et puis, Adrien voudrait ajouter quelque chose, je crois. Oui, non, tout simplement, je pense qu'on peut déjà parler du prochain podcast dans 15 jours. Allez, soyons fous, puisque ça va être aussi dans le cadre du Stunfest. On enregistre à l'avance, on profite. Ça va être donc avec Coralie David, qui est donc à réaliser une thèse en littérature comparée sur le jeu de rôle. Je n'en dirai pas plus, mais ça donne des pistes. En attendant... Mais pour une fois, on aura une fille. Oui, malheureusement, la question du genre est un problème. Nous n'avons pas assez de femmes qui ont voulu répondre à nos questions. Mais bref, en attendant, vous pouvez continuer à jouer tant qu'on a le droit. Profitez bien.